Bonjour à tous. Suggestion pour la Saint-Valentin pour deux personnes, cuisses de grenouille à la dauphinoise. 2 douzaines de cuisses de grenouille prêtes à cuire. 30 g de petits champignons de Paris bien blancs. 10 g de beurre. 20 g de chapelure. Pour la béchamel, 12 centilitres de lait entier. 20 g de beurre. 20 g de farine. 5 centilitres de vin blanc. 10 centilitres de jus de volaille. 1 cuillère à soupe de crème entière plus 2 jaunes d'œufs. Faire bouillir le lait avec une pincée de sel. Dans une casserole à feu doux, faire un roux blanc, beurre plus farine. Ajouter le vin blanc, mélanger. Cuire jusqu'à évaporation du liquide. Ajouter le lait chaud, le jus de volaille. Cuisson à feu doux, 10 minutes, tout en remuant. Puis ajouter la crème et les jaunes d'œufs. Rectifier l'assaisonnement. Émincer les champignons, les ranger au fond d'un plat beurré. Ajouter les cuisses de grenouille assaisonnées debout. Nappé de sauce béchamel, saupoudré de chapelure, glissé au four 10 minutes à 180 degrés, cuisson selon grosseur des grenouilles. Une fois gratiné, servir aussitôt. Un petit vin conseillé, un coteau blanc du Grésivaudan à boire avec modération.